à nos partenaires majeurs. La Boîte à Pain, la Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation avec plusieurs nouveautés ce soir et primeurs. Et toujours du bon rock progressif pour vous jusqu'à minuit. Donc, on va débuter d'ailleurs avec un groupe de la région de Montréal qui vient nous visiter cette semaine, vendredi. C'est House. Qui ont réalisé deux albums. C'est à la scène Le Bourgneuf. Il y a Julien Bachon, première partie. Et ça vaut la peine d'aller les voir. Ils travaillent sur un nouvel album, d'ailleurs, qui devrait paraître à l'automne 2018. Et il y aura au moins une pièce là, de ce nouvel album à venir. On aura un doublé, donc, de House avec une pièce de leur premier disque, Despite Guardian Angels. Un album paru en 2014, la pièce Oudekerque 2, et ça sera suivi d'une pièce de leur plus récent album, donc Neither in Heaven, paru en 2016, et la pièce Insane. Mais tout d'abord, pour débuter l'émission, on a la nouveauté, ça vient de paraître hier, officiellement, Kino. C'est du Royaume-Uni, c'est leur deuxième album, c'est le projet de John Mitchell et de Pete Travellas. Alors, John Mitchell qui est dans It Bites et Lonely Robot. Et Pete Travellas, c'est le bassiste de Meridian. Il est là depuis les débuts, d'ailleurs, Pete Travellas. Il y a également Greg Blundell qui fait la batterie avec Steven Wilson et John Beck, qui est claviériste pour It Bites. Et donc, leur album Radio Voltaire, Radio Voltaire, qui est paru, je le disais hier, sur l'étiquette Inside Out. On ira avec la pièce-titre de cet album. Salut, à la prochaine. On dit au revoir à notre ami Jacques, qui fait toujours de la bonne musique. C'est tellement le fun de faire des émissions de radio un après l'autre. Il y a une belle continuité. Alors, je disais ça, donc, un doublé de House et également, on aura une pièce de Wobbler. Wobbler, ce groupe norvégien merveilleux qui viendra nous visiter donc au Festival Terra Incognita. Et ça, ça s'en vient, hein? C'est le 19 mai prochain pour la journée avec Wobbler. Alors, on en reparlera plus tard, mais ce sera une pièce de leur album Rites of Dawn et la pièce La Beltane de Wobbler qui complétera ce bloc. On y va d'abord avec cette nouveauté pour ce soir, Kino, et on aura plusieurs nouveautés après à vous présenter tout au long de l'émission. Yeah! with no relief. How can you be sure when reality is force-fed through your door? Turn that dial, tune in true for. Can you then step out the glare? Let's drifting away on the open sea. So deaf, dumb and blind, lies rain down from above and drip, drip in our minds. Turn that dial, stop. Come back to radio.

Le Radiothon de CKRL, c'est les 6, 7 et 8 avril prochains. L'objectif est de 42 000 $. Contribuez à la mise en œuvre des activités de votre radio communautaire en achetant la carte de membre pour 25 $ seulement. En devenant membre avant le 6 avril, vous pourriez gagner un certificat cadeau de 150 $ à la boutique Le Pédalier. Devenez membre aujourd'hui! Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201. Ou encore, passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Et oui, CKRL en campagne de préfinancement, de financement, oui, pré-radioton. Et ben, on vous invite à faire un don pré-radioton jusqu'au 6 avril et vous aurez la chance de gagner des certificats cadeaux. Et ben, de toute façon, si vous voulez nous encourager et vous aimez l'émission, ben, on vous invite à prendre votre carte de membre pour la modique somme de 25 $ pour profiter de plein de bonnes émissions. Et ce qu'on vient d'entendre, justement, c'était Wobbler. C'est un groupe de la Norvège. Et ben, c'était tiré de leur précédent album Rides at Dawn. C'est la pièce La Beltane. Et ben, ils nous visiteront au festival Terra Incognita. Ils seront là le samedi, le 19 mai, au Centre d'art La Chapelle. Il y aura Circus. Oui, il y aura Circus du Québec, Amadriad du Québec aussi et Wobbler. Il y aura également le lendemain Cellar Noise de l'Italie, Aerostation également de l'Italie et Moon Safari de la Suède. Et le vendredi soir, Time for Pink Floyd avec les musiciens d'Amadriad et également des musiciens qui s'ajoutent aux musiciens d'Amadriad pour présenter cet hommage au Pink Floyd de la belle période là, jusqu'à 79. Mais il y a même des pièces, oui, plus récentes là. Donc tout le répertoire y est, mais c'est beaucoup des classiques. Alors également, ce qui s'en vient, ben vendredi House, et on a écouté deux pièces du groupe House. Il y avait la pièce Oudekerk 2 de Beyond de leur album Despite Garden Angels, voilà, et également la pièce Insane de l'album Neither in Heaven. Et on avait débuté avec Kino du Royaume-Uni et Radio Voltaire, la pièce titre de cet album qui est paru hier, et c'est sur l'étiquette Inside Out, un projet de John Mitchell et Peter Travis. On y va maintenant avec d'autres nouveautés. On a la nouveauté de David Cross et David Jackson. David Cross, qui était violoniste de King Crimson, la période 73-74. Et également David Jackson, qui était le saxophoniste de Van der Graaf Generator jusqu'en 2007. Et qui multiplie les projets. Lors de ma dernière émission, je vous présentais d'autres collaborations avec le groupe Oak. Également le Rome Project, qu'on entendra d'ailleurs un peu plus tard. Donc maintenant, ben, un album en duo. Another Day, ça vient de sortir aussi, c'est environ une semaine. Michel en parlait d'ailleurs sur la page Facebook de Terra Incognita cette semaine. Il est question qu'ils partent en tournée cet été avec ça. Mais c'est pas mal intéressant, là. Moi j'ai aimé ça, c'est instrumental, avec basse et batterie. Alors, on écoutera la pièce. On aura même deux pièces ce soir de cet album-là. On débutera Come Again. On ira justement avec Rome Project. Je vous parlais lors de la dernière émission d'une pièce en hommage à Emerson. Et bien là, on l'entendra ce soir. Et également, le nouveau groupe des Pays-Bas de Dame, la Dame. Et la pièce titre de leur premier album, Losing Sight of What You Want. Et également, on aura la nouveauté de Lazuli. Lazuli, un groupe français, et leur album Saison 8, leur huitième album, donc, qui vient de paraître et qui sera disponible sur l'étiquette aussi, sur Built by France, sur le site de Built by France pour les gens en Europe. Pour se procurer ce nouvel album, on écoutera la pièce Mes Semblables. Mais tout d'abord, David Cross et David Jackson et leur nouvel album Another Day. Thank you. finally close my eyes. Waking means returning to a harsh reality. And reality is not what I'm going for just yet. Just about. don't want your presence at the venue, and it looks like things are going to get out of hand fast around here. I need you to get in here right now. We'll be right back.

des films québécois aux films d'enfants et des films classiques. Des films rares, surtout ceux que vous cherchez depuis longtemps. Audio-Vidéo DG, 194 Avenue Saint-Sacrement, 418-681-5088, audiovideodg.ca. Et de retour avec Bruno et Marc, c'est l'émission Terra Incognita. Et ce qu'on avait entendu juste avant, c'est la pause, c'était le groupe français Lazuli. Et c'est tiré de leur album qui vient tout juste de paraître, là, Saison 8, leur 8e album. Donc, en carrière, ils ont débuté en début des années 2000. Et cette pièce était Mésemblable. On avait eu juste avant des Pays-Bas, un nouveau groupe de Dame. La dame, Losing Sight of What You Want. C'était donc le titre de l'album et la pièce qu'on a entendue. Et on avait eu Rome Project avec l'hommage à Emerson. Vous avez sûrement reconnu cet hommage. Vous avez sûrement reconnu Emerson dans cet hommage, c'est certain. Donc, sur The Rome Project, le nouvel album Exegi Monumentum Aere Perennius. Et on avait débuté avec la collaboration de David Cross de King Crimson et David Jackson de Van der Graaff. Cross Jackson et leur nouvel album Another Day. Et c'était la pièce Come Again. On poursuit avec, c'est une primeur en fait, Mikhaël Abazian avait réalisé, et je vous avais présenté quelques pièces, un album en hommage à Peter Hamill et Van der Graaff, Something Deep Inside Me, que j'avais beaucoup aimé. Il travaille maintenant sur un nouvel album et il partage avec nous une pièce de nouvelle composition. Donc ce sera son premier album avec des compositions originales, avec la pièce A Crack in the Ceiling. Et Mikhaël, que j'avais rencontré quand j'étais allé à Londres voir Van der Graaff Generator, on avait fait un souper avec les fans à travers le monde qui venaient voir leur groupe là, qui se reformait pour la première fois. Et j'ai appris après qu'il était musicien également, il fait du théâtre. Il est de l'Arménie, Mikhaël Abazian. Alors on écoutera sa pièce, sa composition, A Crack in the Ceiling. On poursuivra avec un deuxième extrait de Cross, David Cross et David Jackson, justement. Last Ride, c'est une belle pièce. Et on aura également le groupe de Montréal Mystery en spectacle, la pièce A Song for You. Et ça, c'est sur The New Species volume 31 là, qui vient avec le magazine progressiste numéro 91. Du bon rock progressif du Québec qui rayonne à l'étranger. On y va tout de suite donc avec Mikhaël Abazian. They came to rearrange. Some terms and definitions in your life. If you survive, they'll split your life and mark the parts before and after. If you don't, they'll open up the skies. You do not want to see a clear blue sky appearing behind that crack. The crack in the sea. That crack for ruining the room design you chose so carefully. You want it to remain where it is now and to stay there endlessly. Sky by day, no shining stars by night, and bend your knees in front of I can crack. Thank you. in my eyes. This world's going crazy. Then my worries turn the dots on the lights to simple and easy. Never seem to understand. World spinning around my head.

Et de retour pour cette dernière demi-heure de Terra Incognita. Ce qu'on avait entendu juste avant la pause, c'était le groupe du Québec Mystery, dans lequel, justement, il y a Michel Saint-Père qui est guitariste et guitariste également du groupe House, là, qui seront ici à Québec, là, à la scène de Bourgneuf, vendredi, qui s'en vient. Donc, c'est à ne pas manquer. Et bon, ben on y va en musique maintenant avec le groupe des Pays-Bas Sky Architect, de leur plus récent album Nomade, la pièce Nomade. On aura également, j'ai sorti ça là, des fois on a des albums qu'on a depuis plusieurs années mais qu'on n'a pas écouté et dont on se souvient qui sont vraiment bons. On avait sur un groupe de discussion sur les réseaux sociaux le défi de sortir les quatre meilleurs albums là, à partir de 2000, aller jusqu'à aujourd'hui, 17 ans, vous imaginez. Déjà qu'on a de la difficulté à faire nos top 10, là, ça fait 170 albums finalement, on en sort 4 à travers ça, puis on se dit ok, voici nos 4 albums. Mais j'ai choisi Black Bonzo, Son of the Apocalypse, un album sorti en 2007. Vraiment excellent. On aura la pièce Son of the Apocalypse après Sky Architect. Et ben, pour terminer l'émission et faire une transition avec l'autoroute, Jimi Hendrix. Oui, vous me direz, ouais, il n'est pas dans le prog. Non. Jimi Hendrix, il vient tout juste de sortir un nouvel album, plusieurs années après sa mort, évidemment, puisque ça a été enregistré en 69, en septembre 69, Both Sides of the Sky, pour cette pièce. En fait, sur cette pièce, Hendrix joue la basse, et c'est Stephen Stills qui est arrivé avec sa nouvelle pièce, Woodstock. Et donc, voix et orgue par Stephen Stills, et l'excellente batterie de Buddy Miles dans cette version de Woodstock qui terminera l'émission et qui fera une transition avec l'autoroute. On y va tout de suite en musique avec Sky Architect. see I've searched it all. Nowhere were you to be found. Though many have seen our lives were changed ages ago. Remember them led astray, like cats and dogs out in the rain. The wishing list is endlessly waiting. I hear a sound, come gather round. Sticks and stones, cars and bombs, skyscrapers to the sky. The pyramids lost in the sand, pavement stratus telling lies and taking lives. It's how the roads are closing in when the Eiffel Tower can't hear your cries. It's the breaking point of endless tears, rocking chairs.